Et re-bonsoir à tout le monde. Voilà, vous nous avez quitté il y a deux semaines dans la boîte à gants. Aujourd'hui, pour l'épisode 14, on est toujours avec Aosakil Connection. On est toujours avec nos deux invités, que sont Matino Renos pour la voix et Olivier Arozarene à la guitare de ce groupe de punk. Si vous n'avez pas écouté la première partie de l'interview, vous pouvez aller sur notre site radionoculture.wordpress.com. Et nous, on va continuer. Et comme la dernière fois, c'est toujours Bichente qui va nous présenter. Salut Bichente. Oh là, pardon, j'ai voulu te... Ah oui, il me semblait bien. D'ouvrir ton micro, quand tu vas. Ça va très bien. Prêt pour cette deuxième partie? Prêt. Eh bien, c'est parti alors. Deuxième partie, Bichente, ouais. On est toujours avec nos deux invités. Donc on est avec Aosakil Connection, donc avec Matine. Ça va toujours, Matine? Oui, là aussi. Oui, très bien, merci. Et Olivier, ça va aussi? Oui, oui, bonjour, bonjour. Bon, on va repartir donc là où on s'était quitté. Mm-hmm. Donc on parlait de quoi? Bon, peu importe. Donc moi j'ai une petite question déjà que j'ai oublié de poser. Aosakil Connection, donc pour ceux qui ne savent pas parler basque, ça veut dire la connexion de la bite et de la bouche. Ah bon? Comment le nom du groupe est venu? Est-ce que vous avez décidé ensemble ou est-ce que c'était une évidence? C'est très très punk comme nom et je trouve ça assez drôle. Mais on était un peu bourrés un soir. Ah, l'alcool encore. On était au fait de la Bastide de Clérance, je crois. Là, tu mens. Tu mens, je sais que tu mens, j'y suis chaque année. Tu n'y es pas, tu mens. C'était peut-être Bidache. J'aimerais te voir au fait de bidage, ça te ferait bizarre. Je sais pas on donne quelle version, parce qu'à chaque fois on donne une version différente pour l'histoire. Donne la vraie, ça changera. La vraie, en fait, ouais. C'était un jour, j'étais. Oui. Bon, peut-être chaud aussi. J'étais chez ma copine, et puis on a un copain qui fait des BD, des bandes dessinées. Il avait sorti il y a quelques années un bouquin où. Un petit bouquin comme ça, il faisait un dessin et puis à côté il mettait ce que ça voulait dire, ce que le dessin voulait dire. Et puis là c'était, il y avait une espèce de bonhomme là, et puis il y avait... Bah, il se faisait sucer la piste. Non, non, non, c'est ça, je suis en train de me rappeler le dessin, comment il était. Et en fait voilà, il y avait une nana, enfin, c'était une caricature quoi, une nana qui était en train de sucer le mec et puis à côté il y avait écrit karaoké. Ok. Et là, puis je me disais putain karaoké, bon là j'étais en train de batailler, je me disais putain, et puis ça m'était venu Ao la bouche, Sakil voilà la bite et puis connection. Ouais. Puis comme on cherchait à cette époque là on cherchait le nom du groupe. Ouais. Puis je me dis putain ça résonne bien au Sakil connection. Pas peu fier du haut de ses 50 ans. Et puis, c'est parti de là, d'un essai. Voilà. Rien de c'est pas là. Parti d'un truc un peu olé olé. Et voilà. Avec ce nom de groupe, des fois, en Aigualdé, donc en Pays Basque Sud, surtout, je pense, est-ce que vous n'avez pas des fois des féministes ou qui vous font des réflexions, parce que quand on vous connaît, quand on parle avec vous, on voit bien qu'il n'y a aucune intention, de mauvaise intention, mais ça, enfin, je veux dire, quand on prend le nom comme ça, ça peut porter... Plein, on a eu quelques... Bon, rien de méchant, de discussion, là, bataille avec quelques nanas. Il y a toujours discussion, et tu sais quoi ce nom, et pourquoi ça, c'est très... Ouais, parce que le féminisme, d'autre côté, est beaucoup plus... Oui, c'est pour ça que je disais, surtout en Aigualdé. Mais bon, après, voilà, quand elles écoutent et qu'elles nous voient, elles voient très bien que c'est pas été un truc voilà, complètement débile. Et qui, Et puis finalement, petit à petit, on commence à rentrer aussi, on commence à jouer aussi pas mal vers là-bas aussi. Et... Bon, elles voient vite que de toute façon, le nom du groupe n'a rien à voir avec, avec les paroles des chansons. Et puis une fois que tu expliques que Aosakil Connection donc, dit la turlute. Je veux dire, il n'y a pas d'agression sexiste dans faire une turlute. Ouais. Hein. Ça peut être entre deux hommes, entre. Mais après, je sais qu'il y a des personnes qui écoutent pas et qui vont pas au concert parce que ça s'appelle Aosakil Connection. Ah ouais, hein, carrément. Ouais, ouais. Ils vous ont dit clairement, moi j'écoute pas parce que. Enfin, pas personnellement, mais directement, j'ai su que voilà, ils s'écouteraient pas. Mais bon, après voilà. Et bah après, au final, quand tu fais du punk et que y a un peu de provoque dans le punk, est-ce que c'est pas aussi un petit peu pour provoquer Ah oui, après c'était ça aussi, de ouais. provoquer un petit peu. Ouais. Mais bon, après ouais. c'était rien de méchant et rien de. Mais ces mêmes personnes qui ont dit ça, bon, je sais pas combien il y en a, mais on en connaît certaines, avoir écouté par exemple le joli groupe dont tu portes le, oui. le chandail. La polla, qui veut dire la bite en espagnol. Oui. Il n'y a pas de problème avec la polla, mais nous, il y a un problème. Alors, je sais pas. C'est un nom que vous allez assumer encore dans 5 ans, 10 ans. Encore plus. Encore plus. Parce qu'on aura encore si on doit l'assumer dans 5 ans ou dans 10 ans, ça sera bon signe. Ça voudra dire qu'on est encore là. J'avais Fist and Furious il y a quelques mois ici, et au début c'était une grosse connerie, Fist and Furious. Petit à petit, ça commençait à devenir un groupe sérieux, et ils ont dit que bon, petit à petit, ils commençaient à le suivre moins, et que maintenant c'était parti, ils ne pouvaient plus revenir en arrière. Vous n'avez pas peur de ce truc-là, de devenir un truc un peu plus sérieux, trop sérieux? On en est très contents de notre nom de groupe. Il y a un paquet de monde qui nous dit, mais vous avez changé de nom, parce que les groupes, ils ont toujours des noms pourris. Ah ouais? C'est pas notre cas. Notre nom, il est super. Ah non, là-dessus, moi, j'adore. Ça, et puis, au-delà de ça, en plus... Quoi, la pipe? Ouais, entre autres. Mais... Non, mais je pense qu'au-delà de ça, en plus, ça peut déjà manifester un mécontentement du féminisme, et puis ça apporte au féminisme, ça apporte un débat. Ah ouais, si on rentre dans le féminisme, alors. Donc, moi, j'aime bien, franchement. Ah, très bien, mais merci. On va pas rentrer dans le débat du féminisme. Parce puis que... celui qui n'aime pas dire ah, au sac, il connaît les choses, il dit ah, c'est Aka. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Exactement. Ou ask. Oui, aussi. Ask. Ah ouais, on n'avait pas pensé à ça. Ouais, ask. Ask. C'est une question. Mais tu parles anglais? You speak English? Indeed. And you feel five? Pareil. Moi aussi. Yes, yes, yes, topito, tani, yes. Yes, it is. Bon, je vais mettre fin à cette... Je sais même pas comment appeler ça, en fait. Cette interlude. Ouais. Tout à l'heure, vous nous avez expliqué que le groupe avait été sorti donc sur une connerie, sur un pari. Mais vous avez sorti quand même un album très vite. Pourquoi vous avez sorti un album aussi vite? Vous n'aviez pas envie de faire plus de concerts avant de sortir l'album? Parce qu'il y avait le confinement. D'ailleurs, joyeux anniversaire. Je ouais. vois que c'était le 25 mars 2022. Aujourd'hui, quand on enregistre, ça fait presque un an. Quand l'émission va sortir, ça fera un peu plus d'un an. Joyeux anniversaire. Voilà, je voulais vous le dire. Solionac. C'était pas du live? Non, ce n'est pas du live. Ah, c'est enregistré, Martine. Happy birthday! Mais non, on l'a composé pendant le confinement. Si t'avais écouté, t'aurais su. Oui, mais après, vous pouvez composer, mais vous dire on va s'améliorer et on va faire quelque chose encore. Non, vous aviez envie de sortir ça de suite. Parce que c'est vrai que le punk se vit quand même plus en live qu'en CD, je trouve. Alors, j'adore votre album, mais je trouve encore meilleur en live. Et vous n'êtes pas dit, bon, ben, on va continuer. Et puis, on va voir au bout d'un moment si on fait un album ou pas. Bon, on avait envie de se faire ça, en fait. Ouais, se faire plaisir. Se faire plaisir. Un jour, rentrer dans un studio, on avait 3 sous, là. Et puis voilà, découvrir cette petite expérience, hein, c'était sympa parce que pareil, il n'y en aura plus, donc on avait la possibilité, on l'a fait. Ok. Et justement, par rapport à ça, comment s'est passé l'enregistrement? Où est-ce que vous avez enregistré? Avec qui? Est-ce que vous avez enregistré les instruments séparément? Est-ce que vous avez enregistré tous les instruments ensemble et la voix séparément? Ou est-ce que vous avez enregistré tout ensemble? Ah, la question a duré une demi-heure, donc je ne me rappelle plus du début. Okay. Non, on a enregistré à Austerlitz, ouais. Capitale. Ça fera plaisir à certains toqueurs. Combien de fois j'ai entendu ça, Austerlitz, Capitale. On a enregistré avec William Valverde, le bassiste de Root System, qui a son studio à Austerlitz. Ça faisait longtemps que j'ai pas entendu studio. Ça, non. Tribal Studio. Ah, Jean-Roger. Avec Jean-Roux, Nassau Biscay. Et donc, nous avons enregistré là-bas avec lui. Et on avait enregistré, je crois, les 3 instruments, vous jouiez ensemble. Ouais, mais il a enregistré chaque... On a le bip. Mais le problème, le bip, il faut être bon. Comme on est nul. Le clic. Le clic. À chaque fois décalé. C'est comme les répiques. Ouais, les clics. Alors, on a fait comme ça. Du coup, les trois instruments, et après Matine. Les trois instruments, mais après, ils étaient tous enregistrés séparément. Oui, oui. Mais tous ensemble. L'idée, c'était d'avoir quand même cet esprit de groupe. Rock and rolling, you know. Et après, vous avez rajouté derrière des guitares, des trucs pour un peu épaissir le. Ouais, le son. Une guitare un peu doublée, quoi, juste doublée. Mais après, on n'a pas trop de temps non plus. Okay. Et puis, on découvrait aussi, donc. Bon, ça a été fait assez simplement. Vous n'êtes pas dit que vous auriez un son très différent en studio qu'en concert, quoi. L'idée, c'était pas d'avoir deux choses très différentes. C'était peut-être plus d'apporter le concert en studio et juste de faire un CD presque live du. Musicalement, tu n'auras pas beaucoup de surprises entre le CD et le live, sauf que bon, quand tu es dans ton canapé en train d'écouter le CD, c'est sûr que c'est pas pareil que. Si tu viens avec nous dans un concert et qu'on va essayer de te fendre le citron. Mais musicalement, ouais, c'est quand même. Il y a deux fois la guitare, enfin une guitare sur l'autre. Qu'est-ce qu'on a les voix aussi un peu. C'est un truc qui se fait beaucoup pour les auditeurs, c'est-à-dire d'enregistrer deux fois la même guitare, de mettre une à droite, une à gauche. Ça permet d'épaissir un peu le son et que la guitare soit un peu plus présente. Mmh. Alors que tout ce qui est basse, donc la basse, les grosses cassées, etc., c'est plus bien au centre et la voix, c'est bien au centre aussi. Généralement, on l'a fait aussi en double. Par moment. Il me semblait, oui. Deux fois la même ou t'as essayé de faire des petites vocalises pour avoir une tierce, une quinte. Deux fois la même, une fois ou autre, comme ça, un peu. Est-ce que tu sais en faire deux déjà? C'est ça la question. Bien sûr. Il t'a dit qu'il chantait après les repas. Je sais chanter mal et faux. Je fais les deux. Et vous avez enregistré en combien de temps l'album? Trois jours. Ah ouais, c'est rapide. Donc c'est très rapide. On n'avait pas trop de temps non plus de batailler. Ouais, trop de temps, rapide. Pas trop de budget. ça coûte combien d'enregistrer un album? Ben là, on s'était trouvé un arrangement avec quelqu'un qui a beaucoup aimé notre musique, ben William. Ouais. Et on s'était trouvé un petit arrangement peu onéreux. D'accord. Après, sinon, si tu vas dans un studio, que tu te pointes, que tu tapes à la porte pour enregistrer, je ne sais pas comment ça se passe. Mais avec William, ça s'est passé comme ça, c'était très bien. Ouais. Wilco, Wilkie, Willman, de ses surnoms. Et donc cet album, vous l'avez appelé Kishu Labé. Qu'est-ce que ça veut dire Kishu Labé? Et pourquoi avoir choisi ce nom d'album? Kishu Labé. Kishu Labé, déjà, c'est un bar. C'est un bar qui avait. Enfin, non, c'est pas un bar, c'est une assoce qui avait à Souvamordi. Ça veut dire four à chaud. Et qui s'appelait Kishu Labé. D'accord. Et c'était un bar où. Four à chaud, la matière. La chaud, oui. Oui, c'est la chaud. Ok. Bah oui. Je ne sais pas, Mathilde, je ne sais pas. Four, c'est chaud. Et vas-y, explique. Parce que je ne sais pas le dire, le nom. Dire quoi? L'émission. Ah. Je ne sais pas dire. Tu veux que je le dise? À la base, c'était à l'époque où Mathilde. Parce que je m'appelle Mathilde aussi. Mathilde, mon présentateur. Donc Tokayo, parce qu'à Neushkala, Tokayo, on s'appelle entre deux personnes qui ont le même prénom comme ça, mais on s'en fout. J'ai jamais entendu ça. Okay. Non, Tokayo. Okay. Oui. Donc Tokayo, à l'époque où, avant de s'expatrier vers votre cher et tendre pays, le Blanc-Rouge, on travaillait à Guri Ratia, donc notre cher radio locale à Neushkala, il avait une émission qui s'appelait. Je connais le nom, c'était pour faire bien. D'accord, oui. Mushika Chiloaldia. Non, ouais, c'était Isho, l'émission. C'était Isho. L'émission, c'était Isho. Mushika Chiloaldia, c'était le défi. C'était le défi. Qui veut dire à Chiloaldia, c'est garde à vue. C'est la garde à vue. La garde à vue musicale. Donc, la garde à vue, c'est très connu au Pays Basque. C'est partie de la culture depuis une soixantaine d'années. Bizarrement, le nom est venu assez vite. Et tu présentes ce que c'était? L'idée, c'était, on lançait un défi dans mon émission à des musiciens, des groupes, enfin, qui voulaient s'inscrire, d'écrire une chanson en 48 heures, du vendredi 20h au dimanche 20h, à partir d'un thème que quelqu'un avait donné. Vous, je crois que c'était la dernière année, c'était, qui s'appelle Oyan Oliergines, qui a composé Yannick sur Inetan, dont on a parlé sur cette émission. Allez voir sur le site internet. Le thème, c'était une lettre d'amour à votre bar préféré, quelque chose comme ça. Exactement. C'est en ce genre-là. Et vous aviez participé cette fois-là. Et la chanson, c'était Kishu Labé, du coup. Ouais. C'est-à-dire que tu donnais le thème le vendredi à 20h, et le dimanche à 20h, il fallait qu'on t'ait envoyé l'enregistrement. Fallait m'envoyer l'enregistrement avec les paroles. Qu'on t'avait envoyé le lundi soir. Je crois, oui. Vous aviez un peu triché. Non, pas si tard. On avait envoyé enregistrer le... Ouais, je crois que c'est ça. On l'avait enregistré à l'arrache le dimanche, et le lundi, un peu moins à l'arrache. C'est ça. Donc j'avais eu deux versions. Kishulabé. Voilà. Et donc Kishulabé, donc ce fameux bar où il s'est passé tellement de choses. Voilà. Et ben le truc c'était que moi j'étais dans la bagnole avec ma copine et juste on entend le sujet de toi Matine. Et on s'est dit de suite putain mais Kishulabé. Et là en suivant on avait envoyé un message à ceux du village de Souramourdi, à toute notre génération qui a connu ce bar là. Ils sont 200 habitants. Hein. Et d'envoyer ce qu'ils avaient sur le cœur de ce bar, parce que ça a été quelque chose de très très très important dans le village. Dans une phrase, dire ce qu'ils ressentaient du bar, de ce qu'ils retenaient. Ouais. Et en fait, tout le monde avait joué le jeu. Et le lendemain matin, on avait reçu déjà je ne sais pas combien de phrases. Et Elena, ma copine, elle avait fait avec ça la chanson en suivant. Elle avait écrit la chanson en suivant avec ce qui était arrivé de tous nos copains là. Après, on s'est trouvé à Matine le samedi ou le samedi. Le samedi après, on avait on avait plus fait un peu la musique, mélodie, tout. Et après, mon fils était arrivé, enfin, Arnaud est arrivé avec la batterie le dimanche et on avait tout mis en place. Parce que du coup, vous étiez trois encore à cette époque-là. Ouais, ouais. C'était juste ça, c'était tout début. C'est la première chanson qu'on a composée. Ouais. Ok, d'accord. Ouais. Grâce à toi, du coup. Ouais, ouais, ouais, peut-être c'est grâce à toi qu'en fait. Oh, vous n'êtes pas les premiers. Oh là là. T'es trop fort. Vous ne voyez pas sa tranche. Voilà, je suis un petit peu fier, j'avoue. J'ai créé deux grands groupes à Jolery. Voilà, c'est tout. C'est quoi le deuxième? Joliac. Joliac. Pour Mickels. Gatibou, c'était. Oh, c'est juste un peu jeune. Cool. Voilà. Ça s'était fait comme ça. À la différence près qu'eux, ils ne se mettent pas à poil sur scène comme les chanteurs de Gatibou. Ouais, enfin, connaissant Matine, ça pourrait venir. Ça ne devrait pas tarder. Non, mais il est encore timide, mais ça va venir. On se lance un défi. On va en parler après, mais ça ne devrait pas tarder. À Bordeaux. Ouais, à Bordeaux. Si vous m'entendez, je désire me dénuder. C'est un beau gosse en plus. Il a une jolie moustache. C'est vrai. Une jolie petite de pied de pervers, là. J'ai la moustache un peu plus longue que le. Enfin, tu verras. Tu verras bien, mon gars. Et après, comment vous sortez du coup ce son qui est. Au niveau des guitares, comment vous jouez, comment vous arrivez à. Qu'est-ce que vous avez comme matos, ouais, en gros? Le matos, moi, c'est tout simple. J'ai une guitare. J'ai une guitare que j'ai achetée là sur. Sur le il a trois guitares parce qu'il pète les cordes tout le temps. Faut voir ses mains, il joue à la pelote basque. J'ai une guitare quoi, toute simple là. Après j'ai une Gibson aussi. Et j'ai un ampli, j'ai un vieux ampli des années 80, de 83, un JCM 800 Marshall, tout simple. Mmh. Comme je disais tout à l'heure, le son de. Et par contre, Arnaud, il a, on l'a vu, il a déjà un son de basse gigantesque. Il a un pédalier digne d'un guitariste. D'un guitariste, il m'énerve. C'est ceux qui ont des pédaliers à deux c'est étages. C'est un sous-marin russe, son pédalier. Ah ouais, c'est incroyable. Mais pour le coup, il a un énorme son. Ouais. Tu saurais me dire ce qu'il a. Plus ou moins ce qui fait qu'il a un son vieux, si. Vieux, mais qui doit être de 80. Un vieux Ampeg, la lampe. Ça, c'est un ampli. Ampeg avec la tête, là. Mm-hmm. Et puis, il a des pédales. Tu sais. Ah, ça pas dire bleu, jaune, okay, ouais. 5-6 pédales là, et puis qui foutent bien le bordel, et puis voilà. Oui, parce qu'il a un son quand même méga massif, quoi. Ouais. C'est vraiment lui qui tient la baraque, quoi. Le plus jeune tient la baraque. C'est lui le plus jeune ? Eh oui. T'es. Eh. Donc, vous avez quel âge tous là ? Toi, t'as quel âge, Mathilde ? L'âge du Christ quand il s'est fait crucifier. Aucune idée, excuse-moi. C'est 33, mais... ça veut dire 33. Oh, vas-y, quoi. 33, ah ouais. Merde, quoi. 33 ans. 33. Oh, il est mort à 33 ans. Oui, c'est ce qu'il vient de dire. Ah, mais je suis con. Parce qu'il s'est fait crucifier, après, il a pas tué longtemps. Il avait promo chez Gélimat sur les pointes. Et quand on parle de ça, toi, Mathilde, par contre, tu cries beaucoup. Je m'exprime. Ouais. Du coup, comment tu travailles ça Comment tu fais pour pas te défoncer la voix à chaque concert, en fait ? Et en début de concert, surtout. Eh bien, je me chauffe la voix, déjà. Tu as des exercices ? Oui. Tu veux que je te les fasse ? Ah, je veux bien. T'as 5 minutes ? Allez. Non, je vais pas vous donner tous mes secrets. Non, je me chauffe la voix et puis après, j'ai essayé. Okay. C'est-à-dire que je suis parti de rien. Après, j'ai regardé YouTube. Il y a plein de tutos. Ah ouais. J'en ai vu plein. J'ai jamais compris. T'as essayé de faire pareil. J'avais trouvé le sien. Et non, voilà, j'ai bataillé. Puis après, j'ai trouvé une solution petit à petit qui fait que je, bah, je me faisais pas mal. Après, ouais. c'est beaucoup un muscle. Il faut apprendre. Une fois que t'as réussi à trouver le truc, il faut le travailler pour que ça marche. Pour que ça marche. Mais après, surtout, il faut jamais s'arrêter. Enfin, moi, en tout cas, parce que j'ai zéro expérience. Faut pas que je m'arrête. Si on s'arrête de répéter pendant 3 semaines, j'arrive plus à remettre bien comme il faut. Ouais. Pour les auditeurs, ils vont se dire, mais c'est quoi ces merguez? Ouais, donc c'est comme la course à pied, quoi. Faut jamais s'arrêter, sinon on perd tout. C'est vraiment comme un muscle, moi je trouve. C'est vraiment comme un muscle. T'apprends à t'en servir au début, et après il faut le maintenir, sinon tu perds très vite, quoi. Il y a Chabi Biscay qui doit me donner des cours. D'ailleurs, Chabi, si tu m'entends. Chabi Biscay qui est chanteur de métal. En quoi il joue récemment là, Shotan Babies, ça existe toujours. Shotan Babies. À l'époque, c'était. Ils avaient BKBO. Très bon aussi. Il reprend BKBO. Ah, il reprend ça, c'est vrai. Ils vont jouer à Bluebells en septembre avec nous. Cool. En septembre. Vous balancez la prog de Bluebells comme ça sans qu'ils le disent. Il faut pas dire. Je sais pas. Je vais biper. Ils vont pas écouter. Je connais, ils ont pas la radio. Il a commencé d'ailleurs un groupe avec son frère maintenant. Ishabé, ça va. Très très bon. Histoire de faire de finir le tour. Le tour bien Biscay. Pas bien Biscay. Beignat Biscay. C'est un cousin, non? C'est Chabi, lui. Oui, Chabi. Non, Beignat, c'est le frère, du coup. Non, Bichente. C'est Bichente? Ouais, t'es pas mal. Attends, c'est que Beignat Biscay. C'est une catastrophe. Oh, Chabi Biscay. Ils sont trop, ces Biscay aussi. Bon. C'est une province. C'est une province. Je vous propose, au lieu de faire le tour des Ouchkaleri, d'écouter un petit peu Daosakil Connection. Je suis un peu en manque, là, il faut dire. Donc, si on peut passer une petite chanson, Matine. Pourquoi pas Euskaleria Zachalgai? Allez, allons-y. Incroyable. Euskaleria Zachalgai. Dola Euskaleria Libroki Kololita de Sakesu. Zuzure Sosadi Disgusta Gari Horekin. Zazue Glusan Zaila Getzi Eta Promotore. Laborantza Lurak Betonez Estatzaia. Zuek ondare Et HS da Shalgai de Aosakil Connection. Ouais. Mais vraiment cool. C'est toi, Mathieu, qui l'a écrit ? Oui. Ouais. Toi ? Oui, excuse-moi, écrite. Ça fait deux fois en plus que je le fais. Mais celle-là, je trouve que c'est. Moi, je trouve que c'est la chanson de l'album qui vous résume le mieux. Parce que musicalement, je la trouve vraiment cool. Et en plus de ça, le message qui est porté, mais je pense que c'est le message qui est. Le plus actuel au Pays Basque. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, de cette chanson. Est-ce que vous pensez, vous aussi, que c'est votre chanson un peu phare? Je sais pas si c'est notre chanson phare, mais c'est, comme tu disais, c'est la chanson qui est le plus... en ce moment, c'est l'une des plus gros problèmes qu'on a au Pays Basque avec le logement. Ouais. Jusqu'à les Rezachalga, ils voulaient en dire le Pays Basque n'est pas à vendre. Ouais. Enfin, il me semble qu'elle marche pas mal parce que c'est vrai qu'elle a pas mal de punch et qu'il y a pas mal de. Enfin, il y a des gens qui s'en sont déjà servis aussi pour faire passer les messages avec de nombreux rassemblements, notamment chez toi à Cambo. Exactement. Pour ouais. Malienia et tout ça. Ouais. Et comment t'as écrit cette chanson? C'est-à-dire que t'as écrit Dumpet, bam, c'est sorti direct, ça vient du cœur ou. Est-ce que tu as écrit, après tu te dis, bon, on va changer ci, on va changer ça ou... Parce que ça me paraît tellement un message, pour nous, aux Pays-Bas, ça paraît tellement un message naturel, en fait. Est-ce que tu as l'impression que ce soit trop bateau? Mais moi, je trouve... Ce que tu dis. Mais moi, je trouve, bien au contraire, c'est pas du tout bateau, c'est que... Non, mais est-ce que t'as pas peur qu'en écrivant sur un sujet qui a déjà été traité des dizaines de fois... C'est-à-dire que c'est un sujet... Et qui est un sujet qu'on ressasse depuis 30 ans? Mais après, t'as peur de dire trop de banalités ou c'est-à-dire que comme un angle, quoi. C'est tellement un problème qui nous touche à tous à Neuchâtel, du fait qu'on ne puisse pas se loger parce que tout est trop cher, parce que tout est vendu à des prix exorbitants et que c'est vous, les Français, qui venez les acheter et vous installer chez nous parce que vous avez plus de moyens que nous. Bref, c'est un sujet qui, moi, me rend fou. Quand on commence à en parler, rien que là d'en parler, j'ai les mains qui commencent à être mortes, ça m'énerve, ça me rend barjot. Donc les paroles, je les écris d'un trait et... Bateau ou pas bateau, je ne me suis pas posé la question. Mais elles sont sorties du fond du cœur. Et surtout à cette période, comme le dit le deuxième couplet, où on recevait des courriers des promoteurs immobiliers, des agences immobilières, qui avaient des couilles, parce que c'est vraiment des couilles, d'envoyer des courriers où ils te proposaient vraiment de les contacter, de vendre ta maison, qui avait moyen de gagner du pognon dessus. Mmh. Putain, mais quelle espèce de saloperie. Quand tu sais la valeur que ça a à la maison, chez nous, en Euskalerie, et tchia, l'importance que ça a dans notre culture... Ça me rend barjo, je suis en train de m'énerver sur ma chaise là. Ça me rend barjo. Donc là, les paroles ont été écrites comme ça, d'un trait et du fond du cœur. Mais moi, je trouve que ça se voit parce que Mathieu disait que c'est un sujet qui a été beaucoup traité, mais je trouve que dans tes paroles, je trouve que c'est une des chansons qui traite le sujet qui le traite le mieux. C'est-à-dire que c'est à la fois clair, précis, il n'y a rien à dire. C'est-à-dire que, ok, c'est là, bam, ça vient, et puis rien d'autre à dire, quoi. Il n'y a rien à rajouter. C'est ça que j'adore dans cette chanson, c'est-à-dire que ouais mais c'est là en plus l'énergie du punk fait que ben donc du coup ben, ça fait très très dur ce truc mais en même temps c'est tout qu'on ressent tous donc forcément je trouve que c'est une chanson qui parle énormément et ça me plaît beaucoup. Sur cette chanson juste avant dans l'album il y a un Berchou. Qui c'est qui chante sur Berchou, qui c'est qui l'a fait, ça c'est Eliane Alfaro. D'accord. Et donc, du coup, c'est lui qui l'a écrit aussi ? C'est lui qui l'a écrit, ouais. Ok. Ouais. Et bon, du coup, elle est en lien, du coup, quand même, avec la chanson d'après, carrément. Quand même. Du coup, vous avez écrit la chanson d'abord et après, vous lui avez demandé d'écrire un Berchou sur. Non, on avait fait la chanson et en fait, on avait fait la chanson et je lui avais dit, tiens, ben, on va enregistrer. Et pareil, ça aurait été sympa de mettre dans le CD, avant la chanson, un petit Berchou, là. Pour l'intégrer dans le disque. Okay. Et en fait, lui, ouais, il est content, et puis il nous l'avait fait, et puis il était venu le chanter aussi en même temps. Et okay. Donc tout, parce qu'il fait un peu de Berchou. Donc on avait un pack Euskalerri ez da Shalgai. Ouais, c'est cool. Et donc du coup, vous, c'était important pour vous quand même d'avoir un Berchou dans l'album, ou c'est venu comme ça parce que important, moi personnellement, je trouvais que ça allait faire, que ça allait bien résonner, quoi. Ça allait bien aller avec la chanson, et puis... Et que je savais aussi que lui, parce que lui aussi, il est impliqué, enfin, il est comme nous, il est sensible à ce problème, donc il allait apporter quelque chose de plus dans ce qu'on avait fait. Okay. Pourquoi l'avoir fait une chanson séparée, enfin une piste séparée sur l'album? Pourquoi pas une espèce d'intro sur, ce, sur la chanson Si t'écoutes le CD, tout est fait, on dirait que c'est qu'une seule chanson, parce qu'on a mis un espèce de grésillement de vinyle en fond, qui fait qu'on dirait que les deux chansons sont liées. Et après, on les avait séparées juste pour que, justement, si en soirée tu veux passer cette chanson, ce soit plus simple à passer que t'es directement le morceau, la chanson, si tu dois passer le Berchou de deux minutes avant. Mm-hmm. Alors que tu veux mettre le gaz dans ta soirée. Bon. En tout cas, Mathilde, pour tous ceux qui écoutent que sur Spotify, tu donnes envie d'acheter l'album. Depuis le début, tu fais que nous dire que si vous aviez écouté l'album, le vrai CD. Non, mais. Non, mais tu fais bien. Je vis pas de la musique. Non, mais tu fais le, bien. Le CD, on l'a remboursé, on s'en branle. Tu sais que je pense que je vais acheter l'album assez vite. Ah ouais, ouais. Et puis, t'es. T'as pas encore acheté. Vous n'avez pas dans la voiture, là. Oui. Ah ben voilà. Bah après, on peut plus poser de bombes non plus, donc t'écris quoi. Yep. Un peu du mal à réagir. Je vais garder ça, je vous prête tout, je vais garder. Oh, ça va, on déconne. Non. Ma prochaine question, j'ai déjà eu une petite réponse par rapport à ça. C'est le logo de votre groupe. Moi j'adore ça, je le trouve ultra bien fait. Et je sais pas, tout à l'heure tu m'as parlé que le nom venait d'un dessin. Alors qui l'a dessiné, qui vous a donné l'inspiration? Est-ce que vous avez commandé à quelqu'un, tu nous fais un logo? Non, du tout, c'était Mathilde, on bataille toujours un petit peu. Il faut savoir qu'on est toujours nous en train de batailler. Arnaud, Mickaël, ce message est pour vous. On est toujours les deux vieux, enfin les deux vieux. Moi je suis vieux, mais l'autre est un fossile. Oui, parce que j'ai pas demandé son âge, mais t'as quel âge, Olivier? 51. 51. Un demi-siècle. Ah oui. Je suis carré des jeunes. C'est horrible de le dire comme ça. Et c'est vrai. Non, je suis hyper content. Je suis le plus vieux. Je vais me faire bouger par les jeunes, tu vois. Ouais. Et au final, non, c'est pas finalement, j'ai l'impression que je suis en train de bouger tout le monde. Mais bon. Donc, message pour les deux petits genoux. C'est toujours nous qui nous bougeons le cul. À la preuve, c'est encore nous qui sommes là. Ouais. Et eux, ils sont en train de se palucher à la maison. Et la question. On était partis. Donc, toujours chez Achishko. Donc, ouais. C'est le fameux. Bah, déjà, on avait bataillé un petit peu, nous, déjà, de notre côté, un petit peu, avec quelques idées. On était partis. Et donc voilà, donc, c'est Achishko Rumeneta, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un mec qui fait pas mal de bandes dessinées, qui dessine super bien. C'est celui qui a dessiné la fameuse bande dessinée de La Pipe. D'accord. Tout est lié. Bon, enfin, qui a fait beaucoup. Qui a fait autre chose quand même, mais oui. Beaucoup de travail, de dessins et de bandes dessinées sur l'histoire d'Euskal Herri et tout. Donc je le connais un petit peu, donc je l'avais appelé pour voir si ça l'intéressait de... J'avais déjà quelques petites idées pour l'album. Je l'avais appelé voir si ça l'intéressait de participer à notre projet. Lui était entièrement d'accord. Donc, il était parti le trouver et Matine le trouver chez lui à Osta. Voilà, passer une matinée ou une soirée, je pense qu'on l'avait fait là-bas. Bon, alors, de voir. Nous, on avait porté nos idées et puis lui, par-dessus, il a un petit peu. Il a mis sa patte dessus. Ouais, oui, sa patte. Et puis les trois, on avait fait le signe là à cet AK quoi, ouais. En fait, et après tout ce qui était toi tu parlais du logo quoi, ouais, du logo, mais parce que je le trouve vraiment réussi et puisque ce que je trouve vraiment réussi chez vous, donc du coup dans vos concerts en général, c'est toute la mise en scène qu'il y a, enfin la mise en scène si je puis dire, mais vos looks, est-ce que vous c'est travaillé ou est-ce que vous êtes comme ça au naturel et est-ce que les chemises par exemple, ouais, on sait pas s'habiller quoi. Ah, je sais pas, moi j'ai rien dit, c'est bichetté. Mais on sait pas s'habiller. Lors du premier concert où qu'on avait fait le défi pour l'anniversaire du Gastetché, donc c'était en 2020 je crois, octobre 2020 ou 2019, bref. 2019 certainement, 2020. 2019, non. Il n'y avait pas de concert 2020, on était en prison. Et, oui, c'était ça, 2019. Et lors du premier concert, je sais pas pourquoi, peut-être pour se détendre un peu, on avait décidé de mettre une chemise moche. Ouais. La plus moche possible. Et la stache. Avec la stache mou. Que tu as gardée. Moustache que j'ai gardée. Ma femme adore sa chatouille. Et du coup, depuis, en fait, on avait décidé de garder les moustaches. De garder les chemises. D'accord. Et voilà. Elles sont un peu plus jolies qu'au départ. Non, je joue plus assez mus, c'est moustache. Ses chemises. Alors après, chacun a son petit look, chacun amène ce qu'il a envie. Et... Enfin, j'en sais rien. Non, mais il y a déjà eu des concerts avec Olivier Arnaud, il a déjà joué en Marcel blanc aussi. Ouais, voilà. Ouais, une petite touche un peu ridicule. Mais parce que toi, Mathilde, en plus, tu fais. T'as une présence scénique quand même. Alors moi, j'ai vraiment. La première fois que je vous ai vu en concert, j'ai dit à une pote qui était avec moi, j'ai dit putain, mais si je faisais de la scène, je pense que c'est à peu près. Comme Mathilde que j'aimerais faire un concert. T'as bien fait de venir quand même, hein. Ça fait une heure et demie qu'il t'envoie des compliments plateau. Ça parle de pipe, ça parle de charme, ça. Ça parle de pipe, ça finit sous la table tout ça. Ah mais tu sais, alors je veux parler aux Mathilde de l'émission de d'habitude. Tu sais très bien que quand j'aime, j'aime. Quand j'aime pas, j'aime pas. Et il faut dire qu'au Cycling Action, quand je vous ai vu, c'est vrai que j'ai adoré votre concert et j'adore vous voir sur scène. C'était quand? Donc, la première fois, ouais. La première fois, je sais plus trop, mais la première fois, je me souviens que j'étais vraiment bourré, donc je m'étais dit. Et toujours bourré ce corps. Je m'étais dit, putain, j'avais bien aimé, mais j'avais pas trop de souvenirs, je m'étais pété la gueule en plus, vu que je m'étais fait un peu mal. Et... Oui, ça dit pas où t'étais, ça, c'est sa moitié de tes soirées. Je sais plus, c'était en Barnécalde, je crois, comme ça, c'est possible. Mmh. Bon, bref, mais la deuxième fois où du coup j'étais sobre et où j'étais sort tout le concert, c'était à Bayonne, ça c'est sûr. Et j'avais déjà beaucoup aimé, c'était dans la rue, à même le sol, il y a énormément de monde autour, ça passait au milieu, ça passait entre, et puis toi c'est vrai que, je crois que c'est sur Seripa, tu vois, tu fais le cochon, tu fais... Oui, une petite intro, un peu théâtrale. Ouais. C'est beau. Et ça j'adore, mais est-ce que ça, tu le décides avant, ou est-ce que tu te dis ça vient sur scène? Bon, ça... je sais pas comment c'était venu la première fois. Parce que tu le fais à chaque fois plus ou moins la même chose. Avant bon, après, je pense que quand il y a un truc qui marche, tu le refais. Mais est-ce que tu te dis avant un concert, ouais, faudrait que j'essaie de faire ça, faudrait que j'essaie de faire ci. Parce que tu vas quand même. Ouais, t'essayes de dire tout ce que tu veux le vendredi ou le jeudi avant le concert. Alors Olivier est un spécialiste pour te dire là, ce serait bien que tu dises ça, ou là, ce serait bien que tu parles un peu, tata. Bon, d'accord. Puis tu te dis, bon, le jour du concert, ça va venir. Puis le jour du concert, tu fais comme ça vient, puis c'est tout. Et c'est vrai, je te regardais pas mal à toi, Mathilde, parce que je regarde souvent les chanteurs. Quand, je suis beau gosse. Quand je regarde des gros moustaches. Mais toi, tu fais des trucs sur scène, tu te dis, est-ce que je vais... j'ai même pas noté si tu jouais en haut, si tu jouais en bas, ta guitare. La guitare? Ouais. Mais comme j'ai les doigts un peu tordus, je la mets pas trop basse non plus, je la mets au milieu, quoi. Ok. Parce que par exemple, Idols, il joue hyper haut. Ah ouais, non, plus bas. Après, on m'a toujours appris à cacher les couilles. Oshka, il joue très très bas aussi. Il n'y a pas le comparé à Idols. Oshka joue très très bas aussi. Oshka joue très bas. Non, c'était pour donner une idée aux gens. Mais ouais, donc du coup, c'est pas du tout quelque chose que vous faites un peu comme ça vient. Comme ça vient et à fond la caisse. Ok. Ouais. Franchement, il n'y a pas grand-chose de très réfléchi à l'avance, hein. Okay. À part les paroles, non, c'est tout à fond la caisse. Pour ça, quand on joue, on met toute l'énergie qu'on a et puis. En même temps, c'est pour ça qu'on répète aussi toutes les semaines. C'est parce qu'il te tarde le concert et il te tarde de mettre tout ce que t'as et de faire. Ouais, puis tu vis tes chansons, quoi. Ouais. Il y a un sens et dans nos paroles, voilà, il y a un truc. Donc, je sais pas, il y a certains moments, tu vois, Cap, tu la joues avec. Avec l'intention de casser du flic, tu vois. Mais... c'est pas marrant. Mais tu vois, moi c'est ça que j'ai adoré quand je vous ai vu, c'est-à-dire que moi j'aime le punk parce que j'ai l'impression quand je l'écoute que je me dis bah putain je pourrais le faire quoi. Alors que bon là j'entends bien que c'est du boulot, on se rend compte, mais quand même quand on voit du punk on se dit putain. T'as envie de gueuler, de trucs, alors que c'est du boulot. Et est-ce que toi, ça t'est venu comme ça, l'envie de voir d'autres personnes, de voir d'autres personnes et te dire, je vais faire la même chose, je veux juste aller gueuler. Et puis au final, tu te dis, bon, bah, on va peut-être un peu travailler pour faire quelque chose de propre. J'ai toujours aimé la musique et les concerts. Enfin, j'écoute de la musique en permanence, toute la journée. Enfin, j'écoute Goulet Iratier la journée, donc la fameuse radio de chez nous. Mm-hmm. La meilleure. Évidemment. Et après, la musique en permanence, j'adore ça, j'adore les lives, j'adore acheter des CD. Enfin, donc j'ai toujours aimé ça, et quand Olivier m'a proposé d'essayer ce pseudo-projet, c'était venu naturellement, et j'ai aimé ça, et en fait, je me suis retrouvé de l'autre côté de... Enfin, avant, je regardais les concerts, et maintenant, je me retrouve sur la scène, et en fait... Ben, il est vie, quoi. Les premières fois, c'est un peu impressionnant. Et puis, en fait, tu te dis, ça se fait naturellement parce que t'adores. Enfin, moi, j'adore ça et j'adore gueuler. Ouais. Parce que je suis jamais dans ça, le temps. Ça, puis il est fait aussi un petit peu pour ça aussi, quoi. Il aime ça, quoi. Il a une moustache. Une moustache, c'est une tête de pervers et puis une belle chemise et voilà, c'est parti. Quoi. C'est parti, quoi. On crie en. Les poignées d'amour que je rentre en fin de concert. On fait des cris de cochon par terre, voilà. Et puis. Et il fait bien. Mais tu t'es entraîné pour faire ça, ça se passe pas naturel ça. Mais non, la première fois c'est venu tout seul, hein. C'est vrai. Mais bien sûr. Ouais, ça c'était parti sur un délire, il avait commencé à faire son délire par terre là, mais on lui avait dit, mais putain, mais fais-le en concert ça, c'est trop bon. Et tu fais, pour la technique, tu le fais sans le doigt dans la bouche, ou tu le fais avec. Voilà. Mais sans le doigt. Il y a plusieurs techniques. Oh le mérite. Oh Mathilde. Et après, quand on tue le cochon, parce que chez nous, on tue le cochon, petite parenthèse un peu. Culture, tradition, on tue encore le cochon à la maison, à l'ancienne. Nous aussi. Pour le rassurer, du coup, tu fais un cri. Et du coup, on fait, dans cette chanson, c'est ce que je raconte au début, c'est le moment où tu vas chercher le cochon, que tu lui plantes le crochet, tu le fous sur la table, tu attaches la patte, tu le saignes, tu touilles le sang, tout ça. Oh là là, j'imaginais vegan. Et voilà quoi. Bah, du coup, on va peut-être en profiter pour l'écouter. Ok. C'est une petite chanson. C'est qui, Cocotch? Pour voir cette... Ah oui Cocotch, c'est mon oncle. Petite histoire, c'est pour le début de la chanson. Parce qu'il y a un petit appel téléphonique au début de la chanson. Spoilez pas tout, les gars, là. Oh, mais c'est couvrir, c'est une petite chanson assez rapide. Une minute 20, je crois, quelque chose comme ça. Allez, on écoute ça. Allô Cocotch? Oui. Président ou la série Pontiac? Donc, série patch, Aosaki Connection. Avec du coup un caméo de ton oncle, ça, si j'ai bien compris. Mais c'est vraiment lui qui répond. Vous l'avez vraiment appelé, c'est pas du. On a appelé c'est depuis, pas on l'a appelé depuis le studio et il répond avec sa voix naturelle. Il dit toujours la même chose qu'il répond. Bah, et ça a marché quoi. Ah ouais. Et comme c'est lui qui nous prépare, parce que série patch, ça veut dire pied de cochon. Mm-hmm. C'est très bon. En sauce tomate avec les piments, comme elle prépare à Machi. Et comme lui fait ça très bien, eh ben, le début de la chanson, c'est ça, Cocotch, est-ce que nos pieds de cochon sont pris. Et ben, du coup, un peu plus hardcore, cette chanson, un peu plus punk hardcore. Elle fait du bien. Ouais. Elle fait du bien par là où ça passe. Non, elle me fait beaucoup rire, cette chanson, vraiment. Après, vous avez fait pas mal de... Vous avez fait pas mal de dates en Iparralde. En Pays Basque Nord, pour les auditeurs de Bordeaux. En Igualdé, un peu moins, si je me trompe. Vous avez fait quelques-unes, mais moins. En Iparralde, vous avez joué à Riurach. C'est cool, non, de jouer à Riurach. Et Riurach, pour rappel, c'est la fête des Ikastola qui réunit... c'était l'année dernière, d'ailleurs. Ouais. Donc, c'était après le confinement. Il me semblait qu'il y avait un sacré paquet de monde. Il faisait beau. Moi, dans mes souvenirs, il y avait du monde devant vous. Vous jouiez un peu tôt, je crois, 10h, 11h, quelque chose comme ça. Et d'habitude, c'est l'heure où c'est encore un peu calme. Là, il y avait quand même du monde, ça se bougeait pas mal. C'était comment? Bon, c'est vrai qu'on avait tous nos potes qui étaient venus aussi. Mais je sais pas combien il y a de personnes ce jour-là. Il y a un paquet de milliers de personnes. C'est un gros. Ouais, ça se concentre en dizaines de milliers, moi, il me semble. Bon, ça a été le cadeau. C'était un cadeau, ça, pour nous. Mais une scène pareille. Comment vous avez eu le concert là? C'est ça, en fait, on était en train d'enregistrer le CD. Ouais. Et puis, il y a un gars qui était venu, Iñaki. Et il avait écouté, ou il nous a dit, mais putain, il faut que vous veniez jouer pour Riurach. Ah ouais? Ah ben oui. Le gars qui passe, le gars de l'organisation qui passe au bon moment, tu sais. Pourquoi on se fait chier envoyer des mails où il faut juste attendre que le mec passe, quoi. Et puis voilà, ça s'était fait, quoi. Après, l'heure, elle était pas top parce que c'était 11h, mais finalement, voilà, on a toujours nos petits fans, ils étaient là. Et Et puis ça s'était super bien passé, quoi. Ouais. Le son il était pour nous, c'était top, ouais, c'était génial. Une scène pareil, puis, mon pauvre, c'est pas une scène, c'est un château. Je me souviens qu'il y avait un son particulièrement cool, quoi. Vraiment, ça m'avait dit gros, gros pâté. Là, il n'y a pas de problème, je dis. Vraiment, c'était vraiment bien. C'est génial. Ouais. Pour le coup, on dit que Arnaud, à la base, ça avait un énorme son. Là, ça sonnait vraiment bien. On ressentait vraiment toute cette puissance et tout ça, c'était vraiment bien foutu. Et du coup. Pour 11h du mat, ça, à Airwatch, ça commence à bouger beaucoup, quoi. J'ai trouvé. On a fini plus tôt comme ça. Et en Aigualdé, vous jouez un peu moins, vous aimeriez jouer un peu plus en Aigualdé Ou est-ce que vous préférez rester en Aigualdé tranquille Ou est-ce que vous avez des envies de Bordeaux, Toulouse Non, le but c'est de Londres, jouer. Bristol. Des envies d'ailleurs. Le but c'est de jouer quand on est libre. Dit-il en regardant Mathilde forcément. Mathilde, moi. Non. Mais après, oui, dans les Gaulais, on a fait quand même quelques dates. On en fait de plus en plus. Ouais. Mais oui, après, on est ouvert un peu à tout. Parce que ce qu'on veut, c'est jouer. Donc, que ce soit, oui, Bordeaux, ça serait, ça serait notre petit rêve maintenant. C'est d'aller faire un petit tour sur Bordeaux, faire 3-4 dates, rentrer à la maison ou sur Paris. Et puis, on avait quelques petits contacts là en Suisse, là, bon, j'en sais pas, on verra ce qui se passera, mais voilà, le petit délire, c'est se faire 3-4 dates en suivant et puis rentrer à la maison, quoi. Bon, voilà, tournée internationale, on va aller en France. ça serait viable, ça, à la voix, 4 concerts d'affilée, 4 jours d'affilée, Mathilde? Tu doutes? Alors, je pose la question. Je sais pas. 3, oui, 4, je pense pas. Parce que ça veut dire quand même faire 2 concerts, c'est-à-dire pas trop picoler le soir même pour essayer d'avoir une voix un peu clean le lendemain et encore plus le surlendemain et le 4e jour, on n'a plus de voix du tout. Non, franchement, je pense que c'est faisable. Par contre, tu as haché le 4e, je pense, non? Bon, après, tu récupères vite. Hein. Un peu de miel, après, des petits tisanes, tout ça. Quand on avait sorti l'album, on avait fait un concert à Chala. Voilà, on avait bossé, on avait quand même bien bossé. On faisait 2-3 répètes par semaine. Ouais, pour la sortie de l'album, il fallait que ce soit au moins aussi propre que l'album. Quoi. Voilà, et ça c'était sur 15 jours, 3 semaines, et on avait bossé vraiment, vraiment, vraiment bien. Mmh. Il y avait zéro, puis en fait, plus il chante, plus ça se développe, et mieux c'est, quoi. Mmh. Et il n'y avait pas de problème. Ouais. Et même le lendemain, on avait rejoué. Ah ouais, d'ailleurs, ouais. C'est vrai, en plus, le lendemain d'enregistrer un album, vous avez rejoué. Non, le lendemain de la présentation de l'album. Okay. Concert de présentation, on avait c'était deux où, à Chala? À Chala, la présentation, le lendemain, on avait joué à Sougramourdi. Joli. On n'est pas parti très loin. Ouais, mais tournée internationale, au final. Non. T'es con, quoi. Mais je voulais que tu réagisses un peu. Interprovincial. Bah, c'est la Pordille et la Navarre. Sont-ils vraiment le même pays? Est-ce qu'on est sûr? Mais écoute, d'un Chaleta, on est tous navarrés, mon gars. Ah, c'est vrai que Chaleta, ça, ouais. C'est vrai que ça réunit. Get out, please. Et du coup, quand je vous entends parler, là, est-ce que la place que ça occupe actuellement dans votre vie, le groupe, vous aimeriez que ça évolue, que, je sais pas, grandir, que vous fassiez plus de dates, peut-être en faire votre métier, peut-être, je sais pas. Bon, déjà, apparemment, si Mathilde n'est jamais là pour les concerts, ça va être compliqué. Genre en vacances, au con. Non, je sais pas si... C'était quoi ta question? Non, si vous aimeriez... jouer plus? Ouais, pas jouer plus, mais que ça prenne plus de place dans votre vie, quoi. Est-ce que vous seriez prêt à ça ou est-ce que vous restez... On s'est posé la question. Ben déjà, que ça en prenne plus, déjà, on bosse pas mal. Enfin, je veux dire, on bosse, déjà, on se met une répète par semaine, minimum. Ouais. Après, en mettre plus, oui, ça serait rajouter des concerts. Et... Enfin, moi, personnellement, oui, moi, j'aimerais. Moi, j'adore ça, donc... Est-ce que ça irait jusqu'à tenter de lâcher les tafs et d'en faire son métier? Si l'opportunité se présentait, sans être sûr, évidemment, parce qu'on n'est jamais sûr. Je ne sais pas si aujourd'hui, en Neuge Galerie, il y a beaucoup de groupes qui vivent que de ça, quoi. Non, je ne sais pas si c'est possible. Il y a beaucoup de groupes en Neuge Galerie. Oui, dans la théorie, admettons. Après, que, il y a pas mal de choses qui sont évoluées, donc il y a des groupes qui s'émerdent pas mal. Mais après, en vivre, je ne sais pas. Après, je ne sais pas, il faut déjà avoir un certain niveau. Moi j'aimerais, moi franchement. Moi je prétends pas avoir le niveau de pouvoir en vivre quand même. Après, mais si ça se présente, est-ce que vous laisserez toute cette place là? Ça veut dire que vous avez fait votre boulot, que tous les jours vous pensez à ça. C'est quand même un certain engagement par rapport au groupe, ou est-ce que c'est juste un loisir? C'est à dire qu'on le fait parce qu'on aime ça, donc après si ça devient ton boulot, c'est pas pareil aussi, peut-être, je sais pas. Ouais. Moi je pense que ça n'arrivera pas de toute façon. Moi ça arrivera pas, mais... Nous on le fait pour le plaisir et on viendra casser des scènes pour ce gaillard. On viendra là où il faut pour secouer qui il faut. Mais je pense que ça restera notre plaisir et pas... On ne sait pas jamais. Ouais. Donc vous avez envie de tout casser, quoi. Ouais, tout et temps. Puis vous verrez bien là où ça vous mène. On verra bien. Voilà, okay. Tout simplement. Ouais. Bon. Ce que je peux vous proposer maintenant, c'est un petit jeu que j'ai appelé... Chiffre ou flûte, si l'instant... tu perds, tu me flûtes. Oh putain. Chiffre ou flûte. Ah, ça c'est l'instrument avant, salon. Ça aurait pu être un bon nom. J'ai appelé ça l'instant punk. J'ai un peu piqué l'idée à Combini. Si peu. Ce que je vais vous faire, je vais faire deux propositions et vous allez me répondre très rapidement l'une ou l'autre. Ben, du coup, Olivier, tu vas me répondre en premier et Mathilde, tu vas me répondre. Long. En deuxième, et vous répondez très rapidement. Il va te demander de répéter la question. Ça me dit pas besoin de détailler de quoi que ce soit. Tu dis quoi, paf. Ouais. Alors, attends, on va attendre que Olivier fasse son selfie. On fait un selfie, voilà, un selfie en direct. J'ai tout pour Instagram. Attends, c'est moi la lumière. Il me semble qu'il manque biche. T'es loin. On en rajoutera une, c'est pas grave. Non, on est bien. Non, c'est pour bon. Voilà, le selfie est fait. On va. Ouais. Donc je commence par toi, Olivier, et après Mathilde. Donc vous répondez à la suite. Vous êtes prêts? Tac au tac, mec. Ready. Allez. Nego Gorillac ou Cortatu? Cortatu. Vite, vas-y, vite. Oui. Cortatu. Ok. Bière ou Kalimucho? Bière. Erzainak, Itoitz? Erzainak. Itoitz. Ok. 49-3 ou 8-6? 8-6. 49-3, ça pique. Stooges ou New York Dolls? Je connais pas. Toy Dolls. C'est pas dit Stooges. Je connais c'était... pas non plus. Bon. Poutine ou Macron? Oh, allez, dire celle-là. Aucun des deux, quand même. Non, non, il faut choisir. Il faut choisir. Poutine ou Macron? Ouais. Poutine ou Macron. Choisir. Impossible de répondre. Zéro. Macron, il est marrant. C'est un menteur. J'aurais pas dit menteur. Ah bon? Pareil. La Poya ou Cicatrice? Cicatrice. Oh, alors que Olivier s'effondre sur lui-même. La Poya. Putain. Michel Laboa ou Benito Lerchundi? Michel Laboa. Mais que là-bas. Ah, l'Erchundi. L'Erchundi. Idols ou Sex Pistols? Idols. Alors, Olivier se réfond. Je suis plus ancien que lui. Olivier se réfond sur les mêmes. Il est par terre. Ouais, c'est trop long. Sex Pistols. Sex Pistols. Bulletin ou pavé? Pavé. Ah, Olivier hésite. Bulletin? Bulletin de vote ou pavé? Pavé. Ah. Michel Echeverry ou Anne Echegoyen? Rien du tout. La peste ou le quoi? Rien du tout. C'est exactement ce que j'ai dit à Mathilde qu'on a pris. Anne Echegoyen pour chanter la Marseillaise avec elle, c'est cool. Sexe ou drogue? Je me drogue pas, j'adore le sexe. J'espère que ma mère va pas écouter. On peut mettre les deux. L'alcool, c'est quand on en drogue. Ah merde, les deux. Chill Mafia ou Setac? Chill Mafia. Ouf. Johnny Hallyday. Et anarchisme ou communisme? Anarchisme. Anarchiste. Sans ouais. Douter. Voilà, c'était la petite interview. Interview punk. C'est nous les punks, les punks, les punks. C'est nous les punks, c'est nous les punks, c'est nous les punks. C'est nous les punks, les punks, les punks. C'est nous les punks, les punks, les punks, les punks, les punks. Ah, il y a eu des réponses. Goulis Ratia ou France Bleu? Oh, dis donc. Bah, franchement, je suis arrivé, j'en avais le double. Mathilde m'en a fait enlever. Pas le double. Bon, presque. Pas très marrant aussi. À ce jeu, je pourrais jouer pendant des heures, je pense. J'adore écouter les avis des gens. Ça, tu mets des trucs à la con à chaque fois. Ah ouais. Les Tchégoïs, il y a Michel Echeverry. Franchement, moi, j'aurais choisi Michel Echeverry, je pense. Tout à fait, un spectacle. Non, c'est pas ça. Mais non, s'il te plaît. C'est de Cambo, Michel Echeverry, pas par là? Non, Michel Echeverry, il est de Michel Echeverry. Pas d'Ioldi, il est d'Armer Narit, je crois. Mais il est en train de prendre sa douche. Douchaïa. Et du coup, toutes ces réponses-là me font penser à quelque chose. Qu'est-ce que vous pensez, vous, maintenant, de l'état actuel du punk en Euskal Herri, déjà? Qu'est-ce que ça vous évoque? Parce qu'il y a eu une période, donc j'avais fait une émission avec, avec Matine, ouais. Je crois que c'était ma toute première émission. J'avais fait une émission sur le. J'avais fait une présentation sur le rock radical basque, donc du coup des années 80-90. C'est vrai que ça a pas mal évolué, mais ça reste quand même une terre de punk, le Pays basque. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Qu'est-ce que vous aimez ? Qu'est-ce que vous aimez pas ? Au niveau musical, si on parle niveau musique. Ça a changé, ça a évolué. Il y a plus. Enfin, moi, voilà, je suis plus âgé que vous, donc j'ai connu le vrai punk, j'en sais rien, mais c'était, ça avait rien à voir par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui, quoi. Ouais. Il y en avait beaucoup plus. C'était, pour moi, c'était beaucoup plus punk à l'époque qu'aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, c'est devenu très gentil, je trouve. Ouais. Mais après, est-ce que aussi la situation politique actuelle du Pays Basque avec ce processus de paix fait que. Parce que le punk, c'est quand même quelque chose qui amène à la révolte. Assez direct, on va dire. Est-ce que ça fait pas qu'ils parlent moins aux jeunes, qui vont préférer se détourner un peu de cette musique qui est assez assez brute? Je sais pas, que si je pense pas que c'est dû à ce processus de paix qui est moins de punk aujourd'hui en escalier. Non, mais ça je pense que c'est la situation qui change, tout a évolué et les gens fonctionnent différemment. À l'époque, il y avait beaucoup plus de drogue qui traînait dans les rues. Et... Bon, bah pour moi, ça a changé. Oui. C'est plus les punks d'avant, c'est pas ceux d'aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, c'est plus l'image aujourd'hui que le look que ce qu'ils avaient à l'époque dans la tête. D'accord. Mais parce que vous faites du punk. De la musique. Ouais, de la musique punk. Mais donc du coup, toi, tu diffères le mouvement punk de la musique punk. Dans ce que tu dis, j'ai l'impression un petit peu tu. En même temps, on n'est pas des punks, hein. Oui. Ou alors on est des punks de droite. On aime ça et on aime ça, ouais. Mais on n'est pas des punks. Enfin, je veux dire, c'est quoi être punk d'ailleurs? Vous avez 4 heures. Ouais, on a déjà essayé de faire ça. On l'invite. Je pense que ça fait à peu près toutes les émissions qu'on essaie de répondre à ça. Avant que tu essaies de répondre à ça, que l'on tu dis non. Mais je sais pas. Punk, la première image que t'as, c'est quoi? C'est d'attacher cette image de d'arraché ou je sais pas. Moi, je dirais plus une image politique assez brute. Ouais, d'être. L'appel à la révolte politique. Anti-todo. Et aujourd'hui. À l'époque, tout le monde était beaucoup plus révolutionnaire qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde est un petit peu endormi, quoi. D'accord. Quand je vois toute la jeunesse d'aujourd'hui. Voilà, je sais pas, j'ai l'impression que ça dort un petit peu. J'ai l'impression que ça se réveille un peu, mais à l'époque, tout le monde. Oui, c'est vrai que même les groupes de jeunes. Les groupes de jeunes à Bertsalé sont quand même peut-être un peu moins actifs qu'il y a. Ça se réveille. Qu'il y a même 10 ans, hein, peut-être. Hein, mais, ça se réveille. C'est-à-dire que maintenant, l'état actuel des Euskalerri avec le processus de paix que tu as parlé tout à l'heure fait qu'on en est là et que. Ouais. On est mou, quoi. Oui. Tout le monde s'est endormi. Il n'y a plus de. Ça ne bouge plus dans la rue, tu n'as plus de. Tu n'as plus rien, quoi. Et après, en dehors du punk, du coup, en Euskalerri, il y a. Plein de musiques qui se font, plein de choses différentes. Quand, par exemple, j'ai vu IHSETA l'année dernière, Chill Mafia qui jouait. Il y a 2 ans, je crois. Il y a 2 ans. Ouais. Qui ont une chanson où ils disent que c'est les nouveaux punks, qui s'appelle Cicatrice et qui fait penser un petit peu au groupe Cicatrice. Est-ce que vous pensez que eux, par exemple, ça peut. Ils découlent du punk Est-ce qu'ils incarnent quelque chose et après, dans une question plus globale, qu'est-ce que vous pensez de l'état de la musique en Euskalerri? Parce que c'est vrai que la musique a énormément changé. Là. Moi, depuis que je l'écoute, il y a une quinzaine d'années, c'est vrai que les choses ont totalement changé. Quoi. Ouais. Je ne peux pas répondre. Moi, Chill Mafia, je ne les connais pas assez. Je connais 2-3 chansons, mais j'en connais qui s'écoutent à fond. Apparemment, c'est très bien. Ils essayent de foutre pas mal le bordel aussi, donc, mais je sais pas, je connais pas assez pour en parler, quoi. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, la musique en Euskalerri, elle a vachement évolué quoi, par rapport à avant, quoi. Avant, c'était un petit ampli, une guitare, 2 tambours et une cymbale, et puis tout le monde montait des groupes. Hein. Aujourd'hui, le matos matériel a évolué, les gens sont de plus en plus musiciens, de plus en plus bons. Et puis tout évolue, quoi, comme tout le monde. Après, l'Euskalerri, c'est quand même, il me semble que c'est un sacré vivier musicalement, il y a une quantité de groupes incroyables. Ouais. Et en fait, maintenant, avant, tu avais quand même, me semble, tu avais soit des chanteurs un peu, des chants basques traditionnels qui restaient dans ce registre-là, soit c'était vraiment vers le punk ou le metal, quoi. Ouais. Maintenant, il y a des groupes qui jouent de tous les styles en Euskalerri, mais il y en a plein, quoi. Et est-ce que ça, personnellement, ça vous plaît ou est-ce que vous préférez que ça reste metal, punk, rock? Pas du tout. Bah, chacun fait ce qu'il veut. Il faut que ça évolue, quoi. C'est très bien que ça évolue, quoi. Tout se modernise, c'est très bien. Enfin, il ne faut pas perdre le punk. Bon, voilà, après, mais quand même, on est au la musique forte, enfin, on va dire punk, rock, je pense que ça existera toujours parce que c'est quelque part, c'est. Bah, c'est un outil qui a servi aux indépendantistes aussi à faire bouger la jeunesse pendant des années. Donc, c'est quand même. On a toujours connu ça, c'est ce qui nous a fait bouger aussi, et c'est comme ça qu'on essaye de faire bouger nous aussi. Oui, oui. Il y a un lien entre la politique et la musique au Pays Basque qui est certain, ça c'est sûr. Mais est-ce que vous pensez pas que la diversité de musique fait que les jeunes vont aller vers de la musique qui est plus française, espagnole, et qui en fait est en euskara, mais qui vient de ce milieu-là, et qu'au final. L'essence même de la musique euskaldun se perd un petit peu à cause de cette diversité là. Ça aussi ça arrive, il y a des groupes, je vois aujourd'hui là, il y a des groupes qui marchent bien qui font de la merde. Non, je vais pas dire de la merde. On ne dit pas de la merde, j'aime pas. Il y a de la merde aussi, il y a de la merde aussi, mais il y a comment on appelle ça là, je sais pas, je te regarde. Ouais, il y a des styles de musique qui se font aussi maintenant en euskalerri qui. Ouais, bon, j'écoute pas parce que ça me fait aussi un peu de la peine, quoi. Ouais. Parce que ça a rien à faire ici. Ouais. On est un peu pareil. Non, mais c'est vrai, tu vas pas faire un groupe de salsa là. Chez eux. C'est pas nous, quoi. C'est pas notre identité, quoi. Bon, ouais, voilà. Après, c'est chacun ses goûts. Et après, pour sortir des Euskaleri un petit peu, le punk français, vous écoutez le punk anglais, le punk américain. Punk français, ouais, je l'écoute à l'époque, pas mal. Ouais. Comme quoi, par exemple? J'ai écouté les Shérifs qui sont passés il n'y a pas si longtemps. Ah, Tabal ici, ouais. Les Shérifs, qu'est-ce que j'écoutais à l'époque? Il y avait les Beru, il y avait les Souris déglinguées. Les Sales Majestés, tout ça. Les Sales Majestés. Ouais, ça, j'ai pas trop connu. Ouais. Ludwig, fond de 88. D'ailleurs, qui sont à Moléon en c'est septembre. Ouais, ah oui, c'est vrai, ils ont ça. Ludwig en 88. Ils ont recommencé. C'est It's Aids, le festival électro qui avait eu Moléon qui avait pris une. Ils ont annoncé, là, j'ai vu ça. Un four. Un four, ça a pris des énormes averses, c'était boueux, etc. Et là, ils ont annoncé effectivement qu'il y avait ça. Ludwig en 88. Ouais, qu'il n'est pas du tout électro, mais qu'ils font jouer quand même, apparemment. Oui, du coup, c'est fin septembre ou octobre, quelque chose comme ça. Parce que le chanteur, lui, était passé, il avait fait Sergent Garcia. Ah, je ne sais pas du tout. Ah, je ne connais pas du tout, c'est Bichette. Je crois que c'est ça. Sergent Garcia, ouais. Ah ouais, rien à voir quand même. Ouais, rien à voir. Pas pareil. Mais bon, il avait réussi quand même. Et après, au niveau international, je trouve que moi, en tout cas, qui adore le punk, bon, je pense surtout à un groupe, à Idols. Qui renouvelle un peu le style punk, c'est-à-dire qu'il y a. On me dit souvent c'est du post-punk, alors quand on parle de post-punk, je pense pas à ça, je pense que c'est vraiment un groupe qui a ingéré le punk, qui l'a digéré, qui a refait quelque chose de nouveau par rapport au punk. Je crois que Mathien, toi, je t'ai déjà vu avec un t-shirt Idols quelque part. Ouais, c'est possible. Est-ce que vous. Du coup, t'aimes bien Idols? Ouais. T'es parti les voir l'année dernière, le groupe. Ouais. Mais il repasse cette année, je crois, au BBK Live. Ouais, mais bon, on va pas aller au BBK. Non. C'est pas très punk. Est-ce que vous pensez pas qu'il y a quand même un nouveau souffle qui se fait, quelque chose de totalement nouveau? Parce qu'il y avait quand même pas mal de. Le punk était devenu de plus en plus hardcore ces derniers temps. Et puis là, il y a quelque chose de un peu nouveau qui revient un peu C'est partout. Je pensais pas qu'à l'extérieur. Tu regardes Euskaleri aujourd'hui. Ouais, ouais. On a joué avec Espalak. Ouais. Ils font la musique. Ça fait penser un peu à Idols aussi sur certains sons. Ils te sortent, sortent les mecs, mais c'est incroyable. C'est nous, on suit des trucs, on est tout simple. Nous, bien carton, quoi. Ils sortent des sons, c'est incroyable. Ouais. Mais je pense que c'est un peu ça le nouveau punk maintenant. Mais c'est ça, quoi. Les gens, ils arrivent, il y a d'autres matériels, il y a des sons modernes, quoi. Mm-hmm. Ouais, il y a des très, très, très, très bons groupes qui sortent. Ouais. Après, moi, je suis pas quelqu'un qui a beaucoup écouté. Les chansons, c'est incroyable. Enfin, j'arrive même pas à comprendre comment ils arrivent à structurer leurs chansons. C'est énorme. Moi aussi, j'aime beaucoup. C'est monstrueux. Ben, je pense que ça sera tout pour nous. Peut-être vous nous rappelez où est-ce qu'on pourra vous écouter en concert. Parce que quand on vous a demandé la première fois où on pouvait vous voir en concert, il n'y a eu que la date de juin. Mais entre-temps, vous nous avez glissé une date en septembre aussi pour Blue Bells. Donc Je sais pas si vous avez d'autres concerts entre temps qui vous est venu, d'autres programmations. On peut rappeler Juin déjà. Juin, c'est, vous savez quand c'est, où c'est déjà? Le X juin. Le. Je crois, le, je sais pas, le 30 peut-être juin. Enfin, Aïratsu, au fait des Ratsu. Le vendredi. Oui, je crois que c'est 30. Vendredi. Aïratsu, Bastan. Après le dimanche, après les fêtes de Sar. On sait pas le chiffre, mais on sait que c'est après les fêtes de Sar. Sar, c'est quoi? Le samedi, pardon. Début septembre. Oui, c'est le deuxième dimanche de septembre. Donc le samedi qui suit à Moulubels. À Chouchkoune. Très chaud, je crois. On joue au mois d'août au fait d'Askainé. C'est les dates qui sont faites. Et après, nous on est là. T'appelles, on est là. Enfin, c'était pas vacances. Oui, si, si vous appelez jeudi après-midi, comme ça on répète jeudi soir, et le samedi on vient jouer. Mais il faut nous appeler. Et petite dernière question, si vous aviez une recommandation à faire à nos auditeurs de quelque chose qui vous plaît et que vous aimeriez qu'ils écoutent en plus de vous, bien sûr, ça serait quel groupe? Une musique. Ouais, ou une chanson ou... Moi, je recommande de manger des pieds de cochon. Ah, sauce tomate. De ton autre, c'est ça? Oui. Et après, aller voir un bon concert du style Espalac. Espalac? Ok. On va dire Espalac, ouais. Vous jouez avec eux de temps en temps? Une fois. On a joué avec eux, là. Ouais. Où il y a un bon petit groupe dans Naru, Dena, qui s'appelle Dena. Dena. Il faut vite aller voir parce que je crois qu'ils arrêtent. C'est deux jeunes, trois jeunes, ils sont... Deux jeunes, ils sont trois. Deux jeunes, ils sont trois et un, il a 17 ans. Et... Les autres, ils ont 20 ans ou 19 ans. Et c'est... Ils conduisent tout juste, c'est des machines. C'est, tu les écoutes, c'est un peu à la Idols ou à la, okay. Ou à la Espalac, tu te sors des sons, tu te dis, mais ça fait combien d'années qu'ils jouent à guitare, lui? Dena. D-E-N-A. Dena. Tout. Tout. Dena. Bah, après, ils trichent, ils ont les sons, tu sais. Maki. Les sons. Ils ont là, le pédalier, tu sais, le sous-marin russe avec tous les boutons, là. Écoute, faut carrément ça, comment ça marche. Les prochains projets, qu'est-ce que c'est? Prochain gros projet, on parlait d'un second album, c'est une connerie ou c'est vraiment dans les esprits? On s'était fixé un défi parce qu'on fonctionne comme ça. Soit le défi, soit l'alcool. Mais là, il va falloir qu'on compose assez vite pour assumer notre défi. Alors, est-ce que vous avez déjà pris une date d'enregistrement, quelque chose comme ça? Non, on avait prévu une date de sortie. Ah oui, quand même. Ah mais non, comme ça. Ah oui, d'accord. On avait dû boire trop de bière. On s'était fixé... Mais on peut connaître cette date ou... On s'était fixé Durango Kwasoka 2023. Ah, Durango, donc c'est début décembre. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, il faudrait enregistrer dans 3-4 mois, quoi. Composer, enregistrer, mixer, sortir compliqué, d'ici... Hein. On est quoi, en mars, d'ici 9 mois, quoi. Donc 2023, nouvel album, si j'ai bien compris, c'est ça? Bon, peut-être pas. Oh. Shalan Ashti, surprise. Non, on a composé 4 chansons, là, ouais, qui sont prêtes. Et il faudrait 5-6 de plus, quoi. Ok. Je rappelle qu'on peut vous écouter sur votre Bandcamp, sur Badoc, il y a le CD entier, j'aimerais recommander Badoc, faut y aller, il y a plein de trucs très très bien. Ensuite, sur toutes les autres plateformes, Spotify, Deezer, YouTube, Apple, Instagram, Amazon, aussi. Tout ça. Et voilà, on peut vous suivre sur Instagram, Osaki Connection. Et comme ça, on peut voir vos chemises et voir la tête de Mathieu en vrai. Ça fait quand même 2 heures qu'on en parle. Et voilà, mais je vous remercie. On vient encore une matinée tout nu à Bordeaux aussi. Voilà, surtout à Bordeaux si vous écoutez. On vient. Que vous voulez voir matinée tout nu, c'est l'occasion, c'est maintenant. Moi, premier concert que vous jouez à Bordeaux, vous me dites je viens et puis je veux que Mathieu se foute à poil comme le chanteur de Gatibou. Alors ça. Encore une fille. Ah. Je vais pas montrer mon petit nez, non. Il faut voir. Bichente, ça allait cette première interview très bien, à la barre. Non, je suis très content. Très bien. Ben, on vous trouve sur Instagram et sur toutes les plateformes pour vous écouter. Et quant à nous, on va se retrouver dans 2 semaines pour une autre boîte à gants. Et je ne sais pas encore ce qu'on va faire. On va voir entre temps. Ouais. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'être venu. Mileshker, soyons-nous qu'on a choisi la Sinendia, hostie. Goreika. Tarak.